Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui au plateau Jean-Paul. Bonjour. Et bonjour Yoni. Bonjour Jean-Paul, ça va ? Ben ça va, ça va. Bon, une voix un petit peu changée. Parce que... Mais ça va, le rhume est presque terminé. Et ben parfait alors. Et nous avons le plaisir d'avoir aussi Samuel qui est collégien de 3e. Bonjour. Bonjour Samuel, ça va ? Ça va et toi ? Bon, ça va, tranquille. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'engagement. Jean-Paul, est-ce que tu as un mot à dire sur notre fil directeur de cette émission ? Oui, alors Yoni, une petite précision, parce que l'engagement, on avait... j'ai ici sur la table un jeu de cartes avec plein de questions très sympas. Et pour cette année 2024, on pourrait en faire un fil rouge, la notion d'engagement auprès des jeunes. Qu'est-ce que ça représente pour eux ? Entre la génération dont je fais partie, qui a un engagement qui remonte à 20 ou 40 ans, eh bien c'est... j'ai une réelle envie de passer un flambeau et voir comment les jeunes s'approprient l'engagement, parce que c'est certainement un autre angle que le mien. Et il y a matière à dire des choses sympas là-dessus. C'est vrai qu'il y a matière à parler et on va l'explorer pendant l'émission et pendant les autres émissions. On aura aussi le plaisir d'avoir une interview par téléphone de Elisa, une jeune Nancéenne qui est assez engagée et qui va nous parler de son engagement et des causes qui lui tiennent à cœur. Voilà pour le fil directeur de cette émission. Eh bien parfait. Et donc, à l'avenir, on va faire le mode interview à distance ou en direct, on verra bien. Ça dépend des gens, s'ils ont le temps ou pas de se déplacer. Et donc aujourd'hui, pour le sommaire, Yoni, actualité d'Oxfam en janvier, c'est ce rapport Oxfam sur Davos, cette station suisse qui réunit les très puissants de ce monde. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Et non, personne ici. Non. Bon. Bon, c'est un... Bon, il y avait Bill Gates, par exemple, et puis il y avait le président ukrainien qui est venu aussi. Donc, c'est une représentation des très, très puissants de ce monde. Et Oxfam est présent depuis fort longtemps et pose une critique sur ce fonctionnement du monde piloté par, entre guillemets, par les puissants de ce monde. Voilà. D'accord. Donc Oxfam International a publié un rapport qui a été sous embargo jusque le 16 janvier. Oxfam France aussi a produit le sien parce que chaque affilié fait le job dans son pays, puisque Confédération Oxfam fait quand même 17 affiliés dans 90 pays. Donc chaque fois Oxfam met la pression sur les décideurs politiques et économiques. Et là, je vais m'arrêter. Bon, bah, merci Jean-Paul pour ce rappel de l'actualité d'Oxfam, de l'Oxfamily, partout dans le monde en fait. Tu avais un jeu de cartes très particulier à nous présenter. Est-ce que tu peux nous en dire plus pour qu'on puisse tous les trois y jeter un coup d'œil ? Mais oui, c'était lors de notre dernière émission. En fait, c'est un jeu qu'on peut, de manière aléatoire, le couper en deux et tomber sur une question sur l'engagement en fait. Voilà. D'accord. Donc, il y a effectivement... Il y a un petit effet de surprise quand on découvre la question, mais je vais faire un test avec notre ami qui est tout près. Tiens, voilà. Si tu veux lire la question, je suis tombé là-dessus. Celle du haut et celle du bas. Celle du haut, pardon. Oui. Certains jeunes déclarent, en s'engageant, on se dépasse aussi soi-même. Que penses-tu de cela ? Ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses alors, Samuel ? Vas-y, Sam. Ça peut être vrai parce que... Quand on s'engage, ça nous pousse à dépasser nos limites pour, pas forcément, mais améliorer les vies quotidiennes. Voilà. Donc ça peut nous pousser à dépasser nos limites quand on s'engage. Oui, c'est vrai. C'est juste, il y a une notion de dépassement. Alors, pas forcément sportive, mais non, aussi... Non, pas forcément, dans presque tout. Bah, l'engagement, ça peut se faire comme peut-être Elisa, elle va le rappeler, mais par des marches aussi. Du coup, ça peut se faire un dépassement même sportif en vrai. Des défis, ouais, ouais. Des défis. Effectivement, on a des affiliés qui marchent 100 km en France aussi. Ah, on oui. fait ça. Hein, Oxfam. Par équipe de 4. Et il y a aussi des marches, j'ai en tête aussi Action contre la faim qui faisait marcher des collégiens, des petits, oui, des petits challenges, pour parler aussi de leur plaidoyer. Donc, non, c'est un vrai bon angle pour mesurer l'engagement et le dépassement. Ouais. Peut-être, on t'a fait piocher toi une carte pour voir ce que t'en penses. Oui, mais je suis pas jeune, moi, Yoni. Bon, alors je le fais. Ok. Alors tiens, je te donne tout le paquet. Ok. Et tu vas tirer au milieu comme tu veux. Alors, hop, je mélange tout ça. Comment soutenir les autres sans avoir pitié d'eux, selon toi? Donne un exemple. Ah, oula, c'est une question super intéressante en vrai. Répète-toi. Comment soutenir les autres sans avoir pitié d'eux, selon toi? Donne un exemple. Excellent. Alors, moi, ce qui me vient... Yoni, tu as une heure. Ce qui me vient en tête, là, tout d'un coup, c'est le mot humilité. Je pense qu'il faut tous qu'on soit humble, en fait. Quand on aide les autres, je dirais que... Avec mon père, on a déjà, par exemple, distribué des petits déjeuners à des personnes sans abri. Mais le mot humble revient assez souvent parce que ça peut être toi, en fait. Tu connais jamais les circonstances de la vie qui peuvent t'amener à un jour te retrouver peut-être sans un abri fixe et te retrouver dans les rues. Donc, aider les autres sans avoir pitié d'eux, c'est vraiment se mémorer de la chance qu'on a et de se dire que les situations peuvent être inversées. Et voilà, moi, je dirais ça. Et ce serait l'exemple que j'aurais, hein, qui me vient en tête. Ok, voilà. Super. C'est effectivement, là, tu as complètement raison, c'est se mettre au niveau. C'est compliqué, hein. Mais aborder la personne en parfaite humanité, sans jugement. Mm. Ouais. Et ça, c'est pas évident, parce qu'on est immédiatement porté par émettre un jugement. Et c'est ça le danger, oui. Et c'est vrai qu'on se sent gratifié si on se sent supérieur à la personne, mais en fait, c'est pas vraiment la démarche qu'il faut entreprendre. Je pense qu'il faut rester, les pieds, non, la tête sur les épaules. Ouais. Et voilà, se dire que les circonstances peuvent faire que chaque personne peut finir à la rue ou peut être en précarité à un moment donné de sa vie. Ouais, et donc, tout à voilà. Fait. Après avoir joué à ce petit jeu fort sympathique et juste avant de passer à l'interview avec Elisa, je vous propose, chers auditeurs, d'écouter une musique que Samuel a choisie pour nous. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre, Samuel? C'est Loose Control de Teddy Swims. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. I'm falling apart right in front of you, can't you see? Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. On est de retour après avoir écouté Loose Control de Teddy Sins et nous allons maintenant passer à l'interview de Elisa. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. J'ai maintenant le plaisir d'avoir avec moi au téléphone Elisa qui est jeune et engagée. Elle est bénévole, elle va nous expliquer son engagement et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Elisa. Bonjour Yanni. Ça va ? Bah, ça va très bien. Et vous ? Bah, parfait, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre demande. Est-ce que tu peux te présenter assez rapidement ? Alors, bah, comme vous l'avez rappelé, je m'appelle Elisa, j'ai 17 ans et puis je suis en terminale internationale au lycée Jeanne d'Arc. Alors Elisa, est-ce que tu peux nous parler plus de ton engagement, que ce soit par les associations où tu es engagée ou les actions en elles-mêmes ? Alors oui, donc mon engagement, c'est vrai que j'essaye un petit peu à mon échelle de m'engager, que ce soit politiquement, par exemple avec le CVL de mon lycée auquel j'ai été nommée, justement grâce à un programme axé sur les causes qui me tiennent à cœur, comme par exemple les enjeux sociétaux, que ce soit l'environnement, le droit des femmes, et puis la lutte contre les discriminations, par exemple. Après, je suis aussi cette année, grâce à Yoni, au CNJ, donc le Conseil d'Ancien de la Jeunesse, qui justement porte des projets en collaboration vraiment très très étroite avec les jeunes. Et je trouve ça vraiment assez génial, parce que je pense que de nos jours, il faut vraiment donner la parole aux jeunes, parce que c'est eux qui représentent l'avenir. Puis je suis aussi membre de la Croix-Rouge à Nancy, donc pour le pôle jeunesse, qui, pareil, mène des actions sur les enjeux sociétaux, comme j'ai mentionné. Passons maintenant à une troisième question. Pourquoi as-tu choisi de t'engager, Elisa ? C'est vrai qu'il y a certaines valeurs qui ont été transmises par mes parents, et forcément, c'est de là aussi d'où vient ma lutte pour des enjeux, que ce soit pour la société ou pour l'environnement, qui est une cause qui me tient vraiment à cœur. Donc ces valeurs, elles m'ont été transmises. Et puis c'est vrai qu'au cours des dernières années, j'ai été aussi exposée à d'autres enjeux qui m'ont poussée à même transmettre un petit peu à mes parents certaines valeurs, notamment par exemple l'environnement. Maintenant que tu nous as parlé de ton engagement et des causes qui te tiennent à cœur, si tous les jeunes français écoutaient actuellement, que leur dirais-tu sur l'engagement ? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien leur dire ? Peut-être que je leur rappellerai qu'on représente l'avenir, tout simplement, nous les jeunes. Et puis que c'est de notre devoir d'agir pour les causes qui nous tiennent à cœur. Et puis, si l'occasion se présente, il faut vraiment pas hésiter à s'engager et vraiment, faut pas penser que ça va servir à rien ou autre chose. C'est justement en s'engageant tous qu'on pourra amener à des résultats réels, quoi. Dernière question. Est-ce que tu as de l'espoir pour le futur ou est-ce que le changement climatique te provoque une certaine anxiété, toi, à ton échelle ? Alors oui, déjà, concernant l'éco-anxiété, c'est vrai que j'y suis assez exposée, on va dire, parce que je suis quelqu'un de déjà très anxieuse à l'origine. Et puis c'est vrai que le climat, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément pour le futur. Forcément, c'est de là d'où vient mon engagement, justement, à propos des causes environnementales, etc. Et c'était quoi l'autre partie de la question, du coup ? Est-ce que tu as quand même de l'espoir pour le futur ? Est-ce que tu penses que notre génération arrivera à changer les choses positivement ? Mais justement, j'ai espoir en nous, la jeunesse, qui pouvons agir justement pour ces causes-là. Et puis de toute manière, ça dépend un peu de notre survie. Donc je pense qu'il est vraiment temps d'agir. Et puis les médias ne cessent de le répéter, mais c'est entre guillemets maintenant ou jamais. Donc voilà. Merci Elisa d'avoir accepté l'interview. J'espère que ton message va toucher un maximum de jeunes à s'engager, tout comme toi tu le fais déjà. Et ben merci beaucoup à vous pour l'invitation, c'est un plaisir. Et puis j'espère aussi qu'un maximum de jeunes vont être amenés à s'engager, que ce soit en écoutant ça ou via d'autres médias et voilà. Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh ben c'était une super interview et je propose maintenant à ce qu'on revienne à notre sujet de départ qui était quand même Davos. Et je vais te relancer, Jean-Paul. C'est à toi. Présente-nous ce rapport. Mais oui, en ce mois de janvier, l'actualité de Oxfam France est complètement tournée vers Davos. C'est un peu le marronnier d'Oxfam, parce que Oxfam est présent tous les ans dans cette station suisse. Et pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est vraiment le gratin de la planète qui se rend là-haut, avec des stands, avec un accueil un peu comme à Dubaï, j'ai envie de dire, malgré que c'est dans les Alpes. Donc, il y a un aspect très criant d'un étalage de richesse. Et à chaque fois, Oxfam met la pression sur les décideurs politiques et économiques. Et le rapport Oxfam, on s'appuie là-dessus pour dire qu'il est temps de faire changer les choses et mettre enfin de la régulation dans cette gouvernance mondiale et de pointer vraiment les phénomènes d'enrichissement qui sont invraisemblables. Alors, j'essaie de vous citer à la volée les faits les plus saillants. Donc, la fortune des 5 hommes les plus riches de la planète a grimpé de 114% depuis 2020. La fortune des milliardaires a augmenté de 3300 milliards de dollars depuis 2020 à une vitesse de 3 fois plus rapide que celle de l'inflation. Les 1% des plus riches possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Les pays riches du Nord détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires, alors qu'ils n'abritent que 21% de la population mondiale. Au rythme actuel, il faudrait plus de 2 siècles pour mettre fin à la pauvreté. C'est à peu près 430 ans, si on compte d'après Oxfam, si on veut vraiment éradiquer la pauvreté à la vitesse où ça fonctionne. Parce que faut dire qu'il y a quand même des choses qui avancent doucement. Hein. Il y a le programme alimentaire mondial contre la famine. Mais il y a aussi les objectifs du millénaire. Objectifs du millénaire. L'ONU se bouge vraiment au maximum pour passer ses messages. Et malheureusement, ça avance du pas de la mule. Et ça, c'est un peu terrible. Et alors, ce qui est formidable, c'est que un très riche qui a 1000 milliards de dollars, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, eh bien, 1000 milliards de dollars, c'est comme gagner plus d'un million d'euros par jour depuis la naissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 1000 milliards de dollars? Ouais. 7 des 10 plus grandes entreprises mondiales sont dirigées par une ou un milliardaire. Et au rythme où ça va, il va y avoir très bientôt, avant 5 ans, le plus riche du monde devrait aller au-dessus des 3000 milliards. Ah d'accord. Ah oui, parce que c'est une machine à cash. Enfin, c'est plus des dizaines de milliards là, c'est vraiment... Ouais. Mais il faudrait combien selon les estimations pour finir la fin dans le monde ou la fin de la pauvreté? Il n'y a pas des chiffres clés ou des choses comme ça? Mais Oxfam dit 430 ans. Ok. Au rythme actuel. Oui. Donc il est temps d'inverser cette tendance. Mais moi je parlais plus en termes de ressources. Par exemple, il faudrait 100 milliards d'euros pour terminer la fin dans le monde. Oui, alors on peut trouver des ratios de ce type. Ah oui, Oxfam est très, très fan de ce genre de choses comme ça. Chiffres. Je n'en ai pas sous la main, mais on sait que... j'avais une histoire avec les glaces italiennes ou la... l'énergie mise dans les clims et les glaces en Italie permettrait d'assurer l'éducation à toute l'Afrique. D'accord. Il y a des raccourcis saisissants comme ça. Quoi. En tout cas, si on trouve la donnée, on la donnera, mais il y a des fortes inégalités. Complètement. Et elles peuvent être balayées d'un trait de plume, j'ai envie de dire, s'il y a vraiment une volonté politique et que ces très riches commencent à comprendre où est-ce qu'ils sont. Parce que là... Le reste du monde, ils mettent la planète à dos. Enfin, ils se mettent la planète à dos. Bon, j'espère qu'ils le comprendront un jour. Mais comme disait Suzanne George de Attaque, il faut éduquer les riches. Une belle phrase que j'ai retenue. Mm. Parce que, en fait, donc toi, Sam, t'es à l'école, tu es en plein étude. Ouais. Et l'éducation, c'est la pierre angulaire pour être un citoyen éclairé, digne, effectivement, tout ce qu'il faut. Mais eux, ils ont un comportement de voilà. Donc, les recommandations d'Oxfam, puis je ne vais pas être trop long sur cette 3-4 minutes, Oxfam appelle les États à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société, grâce notamment aux mesures suivantes. Augmenter les impôts sur les ultra-riches, ça paraît une évidence, hein. Un impôt sur la fortune pour les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1800 milliards de dollars par an. Bon. Plus précisément, Oxfam France formule une série de recommandations fiscales qui permettrait de dégager 88 milliards d'euros par an, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français. Bon, je ne veux pas descendre tout le visuel. L'autre aspect, je finirai par là, c'est que les milliardaires s'accaparent les médias. Et ça devient inquiétant. C'est vrai qu'il y a même des chartes qui montrent quel milliardaire a quel média en France. Voilà. Et c'est vraiment quelques familles seulement. Donc on pense à Bernard Arnault et à Bolloré, nos deux champions français, entre guillemets, qui ont donc des médias influents. Bon, Bolloré était peut-être le plus radical côté droite, parce que c'est... tu vas m'aider, Yoni, c'est quelle télé, ça? C'est C8, non? C'est C8, voilà. Avec oui. Touche pas à mon poste et tout ça. Voilà. Les polémiques qu'il y a tout le temps. Et donc là, c'est la démocratie qui est en danger réellement, parce que servir la soupe à la droite, à l'extrême droite, avec des clichés, des choses qui sont pas contrebalancées, on décriture la face la plus noire et puis on enfonce le clou et c'est pas ça l'information. Hein. Et donc ça fait que dans la tête des gens, ils disent, ils ont peut-être raison, ils se disent entre eux dans la rue, ils disent t'as entendu ça. Et peu de gens font la différence. Hein. Vont fouiller, vont décortiquer ça. Plus le phénomène des fake news. Exactement ce que j'allais dire, les fake news en ce moment. Et des moyens de construire l'information et de la fausse information. Hein, si on voit Ukraine-Russie en ce moment, c'est aussi une guerre de l'information. Mais bon. Non, là-dessus, la planète est... Voilà, il est temps de changer le paradigme complètement, avec ces très riches. Tout à fait, et merci beaucoup Jean-Paul pour l'analyse sur ce rapport. Et peut-être pour finir un peu sur une touche positive, qu'est-ce que toi tu penses, Samuel, de l'engagement des jeunes, ou est-ce que toi personnellement t'es engagé par exemple? Moi je fais du sport en dehors de l'école, je fais du basket depuis 2 ans, et je sais que des fois on fait des matchs amicaux entre plusieurs villes pour, pas forcément pour gagner ou perdre le match, juste faire un match amicaux de 1 heure sans forcément compter les points. Et faire payer les entrées, pas forcément très cher, pour ensuite reverser l'argent qu'on a gagné aux associations. Excellent. Mais ça, c'est super, oui. Super. C'était une super émission très complète, de l'interview, plein des invités et un rapport et une analyse et même un petit jeu. On va bientôt devoir se dire au revoir. En effet, la pendule touche à sa fin. C'était une super belle émission et on vous remercie tous d'avoir écouté, chers auditeurs et chères auditrices. Nous retrouvons une prochaine fois avec Hello Oxfam. En attendant, au revoir. Bye bye. Salut.